It is nothing serious. It is nothing serious. Et donc la suite, cette deuxième partie du Direct Live from the Alsace, toujours Direct Live sous the Alsace, qui est toujours sous licence Creative Commons by NCND. Les trois parties le seront aujourd'hui de toute façon, compte tenu de ce que je vais faire passer. Le morceau suivant néanmoins, enfin ce n'est pas de la musique, c'est un conte, hein, on va se les faire passer là petit à petit tout doucement, les contes que Véronique Pedrero nous a proposés sous licence Art Libre. Et aujourd'hui, il s'agit d'un conte qui est pas vraiment de saison, hein. On est en plein été, il y a les grosses chaleurs, tout à l'heure il y a eu un orage, bon la température a un petit peu baissé depuis, mais enfin bon, on pense vraiment pas à la neige, mais bon tant pis, moi je ne me gêne pas. Hein. Sniegurochka, la petite fille de neige, par Véronique Pedrero, qui est proposée aussi via le net label. Via la compagnie, en fait, la compagnie qui s'appelle Poussière d'Histoire. Et donc, oui, il est là. Donc, je vous envoie ça. Il était une fois. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Des histoires. Des histoires. Des histoires de moins que rien. Des histoires de deux, trois petits grains. Des histoires qui filaient sur le chemin, comme ça, dans la poussière. Des histoires qui grimpaient jusqu'à la lune. Des histoires qui dansaient au clair de lune. Là, dans le creux de la paume. Là, dans le creux de la main. Vérité ou mensonge, c'est à vous de savoir. C'est à vous de vouloir. On était au cœur de l'hiver. La neige était tombée en abondance. Le village était tout blanc, la forêt tout pareil. Non loin de la forêt, il y avait une petite maison. Et dans cette petite maison vivaient un vieux et une vieille. Ce matin-là, la vieille est derrière ses carreaux et elle regarde. Dehors, dans la neige, il y a des enfants. Ils rient, ils chantent. Ils chahutent, ils se bousculent, ils tombent dans la neige Ils se battent avec des boules de neige et font un énorme bonhomme de neige. Sur les joues de la vieille, il y a deux larmes qui coulent, lentement. Elle ne dit rien. Son vieux la regarde longtemps. Puis, sans rien dire, il la prend par les mains. Il lui indique qu'il serait bon de sortir. Il lui tend son manteau, son bonnet, ses gants, et il la pousse à aller dans la neige. Bientôt, comme des enfants, les voilà qui rient, qui jouent, qui chahutent, qui tombent et qui font rouler d'énormes boules de neige pour fabriquer un bonhomme de neige. « Ce ne sera pas un bonhomme de neige, dit la vieille, non. J'ai plutôt envie d'une petite fille de neige. » Elle se recule, regarde ce qu'ils ont fait, et là, sur la tête de neige, elle pose deux perles bleues à la place des yeux. Et à la place de la bouche, elle met un bouton rouge, comme un petit cœur d'amour. Elle fabrique deux longues tresses qu'elle attache avec des rubans de couleur. Et elle fait de la dentelle sur son tablier et sur sa robe. De nouveau, la vieille et le vieux se reculent et ils regardent ce qu'ils ont fait. « Elle est belle, hein ?» dit la vieille. « Elle est belle comme la petite fille que j'aurais tellement voulu avoir. » À peine a-t-elle prononcé ces mots qu'il lui semble voir un petit geste de rien, un petit mouvement du côté de la petite fille de neige. Elle ne s'est pas trompée. L'enfant s'avance vers elle et fait une grande révérence. « Bonjour, papa. »« Bonjour, maman. »« Je m'appelle Snieguroczka et je suis votre petite fille de neige. Oh, »« Snieguroczka, dit la vieille. Ton prénom est si joli. » Elle la prend par la main et la conduit très vite à l'intérieur de la maison. Elle ferme la porte sur leur histoire. À partir de ce jour-là, le monde a été différent. À partir de ce jour-là, il y a eu des rires, des chants à l'intérieur de cette maison. À partir de ce jour-là, et l'hiver dehors continuait sa course. La neige, le froid, le vent. Snieguroczka, ce qu'elle préférait, c'était aller dans la neige, être dans le froid, mettre ses mains dans les flocons ou les laisser tourbillonner autour de son nez. Snieguroczka, ce qu'elle préférait, c'était s'enfoncer dans le vent de l'hiver. Snieguroczka, ce qu'elle préférait, c'était courir dans la forêt, toute pleine de neige. Et puis le temps, il a passé. Après l'hiver, ça a été le printemps. Et la neige, tout doucement, elle s'est mise à fondre. Snieguroczka, ce qu'elle préférait, c'était marcher avec ses pieds nus dans la rivière. Snieguroczka, ce qu'elle préférait, c'était rester derrière les volets et regarder juste le soleil filtrer au travers. Snieguroczka, ce qu'elle préférait, c'était rester dans un petit coin d'ombre, bien à l'abri de la lumière. Et le temps a continué sa course. Après le printemps, ça a été presque, oui, je dis presque, l'été. On était au mois de juin. Bientôt, ce serait le 24 juin, le jour de la fête de l'été. Snieguroczka, elle restait à l'intérieur de la maison, elle ne voulait pas sortir. Snieguroczka, elle n'écoutait pas les appels des autres enfants. Elle préférait sa solitude. « Snieguroczka, disait la vieille. Snieguroczka, disait le vieux, mais il faut que tu sortes, tu es toute pâle, tu manques de couleur. »« Non, disait Snieguroczka, je préfère rester à l'intérieur de la maison. » Ce jour-là, on préparait la fête. Ce jour-là, tous les enfants du village s'étaient mis ensemble pour ramasser de gros fagots de bois. Ils disaient qu'ils allaient faire une grande pyramide et que le soir venu, on sauterait par-dessus, elle serait en feu, et celui qui réussirait à sauter le plus haut, le plus loin, il serait marié dans l'année. « Snieguroczka !» disaient les enfants derrière les volets. « Allez, viens !»« Snieguroczka, tu vas pas rester dedans !»« Snieguroczka, viens jouer avec nous !»« Snieguroczka, viens ramasser du bois !»« Ce soir, on va faire une grande danse autour du feu de bois !»« Snieguroczka, mais elle !» Elle se contentait de mettre ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre. Elle fermait ses yeux pour ne pas voir. « Snyegurochka !» disait la vieille. « Snyegurochka !» disait le vieux. « Il faut bien que tu sortes !»« Allez ! Tu ne peux pas toujours rester toute seule !» Le soir venu, au moment où le soleil passait de l'autre côté des collines, la porte de la maison du vieux et de la vieille s'est ouverte. Et Snyegurochka a obéi à ce que lui demandaient de faire ses parents. Elle est sortie. « Alors, enfin, ont dit les enfants, te voilà. Allez, viens. Tiens, prends ce fagot et mets-le tout en haut de la pyramide. Tu vas voir, le feu va jaillir, haut et beau. » Lorsque la pyramide a été fabriquée, lorsqu'elle a été terminée, un enfant a craqué une allumette et pfiou ! Les flammes étaient grandes. Les flammes étaient hautes. Elles léchaient les abords du ciel. « Allez, disaient les enfants, qui est-ce qui commence en premier ? Qui est-ce qui y va ? Allez, allez !» On a fait une grande ronde, on s'est pris par la main, on a chanté, on a ri, on a dansé, le premier, le deuxième, le troisième ont sauté. Snyegurochka, elle s'était mise en retrait. « Allez, disaient les enfants, tu y vas, toi ? Allez !» Tous ensemble, ils se sont mis à chanter. Tous ensemble, ils ont tapé du pied. « Snyegurochka !» disaient les enfants. « Snyegurochka !» Saute, saute par-dessus le feu, saute aussi haut que tu peux. Celui qui réussira dans l'année se mariera. Saute, saute par-dessus le feu, saute aussi haut que tu peux. Vas-y donc, Snyegurochka, vas-y donc, c'est à toi. 1, 2, 3. Elle a pris un élan magnifique, un élan gigantesque. Elle a sauté par-dessus les flammes, elle a sauté par-dessus le feu et pfiou ! Elle a disparu dans les airs. Petite goutte d'eau, simple petit flocon de neige, perdu dans la nuit de l'été qui commençait. Plus rien d'elle, si peut-être. 2 perles bleues, un petit bouton rouge comme un petit cœur d'amour. Des rubans de toutes les couleurs et aussi le souvenir de cette histoire. Le vieux et la vieille étaient là, ils avaient tout vu. Tout avait disparu, mais derrière leurs paupières, il y avait toujours cette histoire. Elle continuerait son petit bout de chemin jusqu'à l'automne, jusqu'à l'hiver. Et lorsque l'hiver reviendrait, peut-être qu'ils sortiraient de nouveau, qu'ils enfileraient leurs bonnets, leurs gants, leurs manteaux, qu'ils mettraient autour de leur cou une lourde écharpe pour avoir bien chaud. Ils rouleraient la neige entre leurs doigts et ils fabriqueraient sans doute une petite fille de neige. Snyegurochka, de nouveau, serait là. Cette histoire, c'est pas la mienne, et pourtant. Cette histoire vous a été proposée par moi, Véronique Pedrero, de la compagnie Poussière d'Histoire. Thank you. Et toujours en direct live from the Alsace, donc c'était Snieguroczka, la petite fille de neige par Véronique Pedrero, histoire qui semble avoir été très appréciée par la mère Teuil, qui la trouve très jolie, après avoir bu d'ailleurs aussi son café, vous saurez tout. Donc sur le chat, il y a toujours la mère Teuil, Geek Shadow, Machelou, Anti-Blues et Julquin, et puis notre fidèle Frizik, notre robot à tout faire. La suite, on va passer un petit peu à l'annonce de quelques concerts, hein, des prochains concerts à venir. Alors, il y a par exemple Zimé qui va jouer au Menhir à Plouescat, pour le festival les mardis de Plouescat. C'est gratuit et c'est donc le 4 août à 22h. Le 5 août à 19h, il va y avoir Badaboomland à la terrasse à Venas. Donc c'est à 19h et puis pareil, gratuit. Tsunami Wazahari, alors là par contre c'est pas tout à fait gratuit, il me semble, 8€, prix normal, 5€ si vous êtes déguisé, une petite réduction. Donc à 22h au lac de Vassivière-Beaumont-du-Lac et... on continue plus bas. Pure Malte Group des Highlands de l'Argence, au centre commercial Intendance, en face du Décathlon à Fréjus. Là, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs avec un nom pareil, ils doivent certainement faire de la musique irlandaise ou quelque chose comme ça, ou écossaise. Zimé de nouveau d'ailleurs à Portsal cette fois-ci, prix d'entrée gratuit de nouveau, ça sera le 14 août à 21h au bar au Vieux Gréement et ce sera en première partie du concert de Rotor Jean Brex. Et enfin, Demian Clave au transfert à l'Aiguillon-sur-Mer dans le 85 à 21h le 15 août. Et c'est gratuit avec Demian Clave et Vevalt ensemble, qui fera d'ailleurs aussi un autre concert à Nantes le 18 septembre pour ce qui est Demian Clave. Voilà pour les concerts de la... les concerts que je vous annonce pour cette semaine. Et après ces concerts, on retourne de nouveau un peu de musique. On y retourne, c'est pas si c'est ça. Et c'est où? C'est là, donc Preslav Literary School. Alors, vous connaissez bien sûr la peinture au numéro, ces trucs. Lui, c'est de la musique au numéro qu'il fait. C'est d'ailleurs beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli que ces peintures absolument hideuses là, qui représentent des chevaux, des chatons, des chiens. Qu'on dirait que c'est fait. On voit tout de suite que les gens ne l'ont pas dessiné eux-mêmes. Là, c'est de la musique au numéro qu'il a faite lui-même, parce que, par exemple, le premier morceau que je vous passe, il s'appelle 01-1-1. Et donc, le 5 juillet 2008, sur du net label Clinical Archive, et donc, c'est sous licence Creative Commons by NCND également. Yes! Et toujours extrait de cet album Automne Bricolage par Preslav Literary School, après 0-1-1-1, voici 0-2-1-2. Et donc c'était à l'instant Preslav Literary School avec 02, 1, 2, sous licence Creative Commons by NCND, un morceau ambiant de l'album Autumn Bricolage. Et ça vient donc du net label, que je ne dise pas de bêtises, il est où ? Du net label Clinical Archive. Clinical Archive, donc, qui vous regarderez si vous avez vous passez soit sur le forum pour le sujet de l'émission qui concerne l'émission aujourd'hui, ou bien si vous écoutez l'émission que vous l'avez téléchargée via Mini Nova, le BitTorrent, iMule ou archive.org, la page HTML de playlist qui donne toutes les indications et avec tous les liens vers les sites internet des artistes, leur page Dogmazic, la page de leur net label, et puis également à l'unité, chaque morceau que vous pouvez également télécharger avec un lien direct que vous pouvez donc télécharger soit de Dogmazic, soit éventuellement du site officiel selon la situation. Et donc, je rappelle aussi que l'émission Ce Direct Live from the Elsass, les trois parties d'aujourd'hui sont également sous licence Creative Commons by NCND.